songs are not nice. Qui a porté au loin toute la beauté du monde, de ce regard épanché qui m'inonde. Je te fais le candélabre, les soirées, les roses blanches de ma vie, et tous ceux qui ont fait le prix. Qui a jeté de l'eau sur mes braises, réduit mon cœur en sang, cassé en mille éclats de verre, le merveilleux vase où je buvais l'être humain. Je ne suis plus rien maintenant qu'un cœur avide d'émotion. Je ne peux vivre qu'en toi, en toi. Refermer ma prison de verre, le temps d'une prière. Jeter tous les oripeaux, les mascarades de la nuit. Je ne peux vivre qu'en toi, qu'en toi. Je reviendrai peut-être. Oh non.